Little Richard sur RGM, un peu plus de 8h35, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 5 décembre 1932, naissance de Little Richard, chanteur américain. 1966, naissance de Patricia Cass, chanteuse française. 1971, naissance de Sofiane Belmouden, acteur français connu pour avoir incarné Malik Nasri des saisons 1 à 4 dans la série Plus belle la vie. 1972, naissance de Christelle Chollet, humoriste et comédienne française, vue dans le film Arrête de pleurer, Pénélope. 1973, naissance de Michelangelo Loconte, musicien, chanteur italien, connu pour avoir participé à la comédie musicale Mozart, l'opéra rock. On écoute tout de suite un extrait du titre « Tatoue-moi ». De libertine, ce soir je viens m'inviter dans ton lit. Laissons dormir les maris, allons nous aimer, on est des braves gens. J'apprendrai ta langue et ton accent pour te comprendre. Je serai je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tatoue-moi sur tes murs, un futur à Voilà pour l'extrait du titre Tatoue-moi, donc de la comédie musicale Mozart, l'opéra rock. Allez, on continue les anniversaires. 1976, naissance d'Amy Acker, actrice américaine, vue au cinéma dans Arrête-moi si tu peux, mais surtout connue pour ses rôles à la télévision. Tout d'abord dans la série Angel, dans le rôle de Winifred Burkle, alias Les Experts et Person of Interest, dans le rôle de Sam Groves, alias Root. 1979, naissance de Tarek Boudali, acteur, scénariste, réalisateur français, vu dans L'Arnaqueur, Paris à tout prix, Babysitting 1 et 2 dans le rôle de Sam, Alibi.com dans le rôle de Mehdi, Épouse-moi mon pote dans le rôle de Yacine, Nicky Larson et le parfum de Cupidon dans le rôle de Poncho, la série télé En Famille dans le rôle de Kader Ben Gazaouira des saisons 1 à 7, réalisateur d'Épouse-moi mon pote de 30 jours max actuellement en tournage dont la sortie est prévue pour le mois d'octobre en 2020, scénariste de Babysitting et d'Épouse-moi mon pote. C'est également l'année de naissance de Nick Stallack, acteur américain, connu pour son rôle de John Connor dans Terminator 3 et son rôle de Rourke Jr. alias Yellow Bastard dans Sin City. 1985, naissance de Frankie Muniz, acteur américain devenu coureur automobile, connu pour son rôle de Malcolm dans la série du même nom, vu également dans la série Esprit Criminel. On reste en 85 avec la naissance d'André-Pierre Gignac, footballeur français, professionnel depuis 2004, ayant joué à Lorient. Il a été prêté à Pau, il a joué à Toulouse, à Marseille et depuis 2015, il joue pour les Tigresses UANL. En 1998, c'était la naissance de Vincent Claude, acteur français, vu dans le film Le Petit Nicolas dans le rôle d'Alceste et l'élève Ducobu dans le rôle de Ducobu. En 1791, décédé Wolfgang Amadeus Mozart, compositeur, musicien autrichien. En 1870, décédé Alexandre Dumas père, écrivain français. En 1926, décédé Claude Monet, célèbre peintre français. En 2013, on apprenait le décès de Nelson Mandela, homme et avocat sud-africain qui a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale, l'apartheid, avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999 à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. Et en 2017, décédé Johnny Hallyday, chanteur français qu'on écoutera en fin d'émission. Mais tout de suite, on écoute Patricia Cass avec le titre « Il me dit que je suis belle ». Et quand le temps se lasse de n'être que tu es, plus une seconde ne passe dans les vies d'uniformité. Quand de peine en méfiance, de larmes en plus jamais, puis de dépit en défiance, on apprend à se résigner. Viennent les heures sombres où tout peut enfin s'allumer, où quand les vies ne sont plus qu'ombres, restent nos rêves à inventer. Que je suis belle, qu'il n'attendait que moi. Il me dit que je suis celle juste faite pour ses bras. Il parle qu'à mon caresse de mots qui n'existent pas, de toujours et de tendresse. Je terre qui les rend transparents. Apprendre à tourner les yeux devant les gens qui s'aiment, éviter tous ceux qui marchent à deux, ceux qui s'embrassent à perdre haleine. Va-t-il un soir un moment où l'on se dit Patricia Cass, il me dit que je suis belle. Sur le 107FM, 8h45, on parle météo. La météo. Très belle journée, ensoleillée encore aujourd'hui, mais alors des températures fraîches. Ce matin, elles sont comprises entre moins 5 et moins 4 degrés, entre 3 et 4 degrés pour cet après-midi. Vendredi, du soleil encore, avec des températures qui augmentent légèrement. On aura entre moins 2 et moins 1 degré prévu pour vendredi matin, entre 5 et 6 degrés pour vendredi après-midi. Samedi, ce sera le retour de la pluie, des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 5 et 6 degrés prévu pour samedi après-midi. midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et oui, la Marseillaise, puisque hier après-midi, nous avons vécu une course historique en biathlon à Östersund. C'était l'individuel, messieurs. Il y a eu un quadruplé français. Martin Fourcade est de retour. Il a terminé sur la plus haute marche du podium. Ça nous a fait plaisir, presque un an après sa dernière victoire, de le revoir faire son petit saut sur le podium. Il a tiré à 19 sur 20. Autre 19 sur 20 pour Simon Détieux qui termine deuxième. Quentin Fillon-Maillet a terminé 3e à 17 sur 20 et Emilien Jacquelin 18 sur 20 est donc classé 4e et on a presque eu un quintuplé français puisque notre Vosgien Fabien Claude qui a tiré à 18 sur 20 a terminé à la 7e place mais à quelques secondes seulement de la 5e place et par contre la méforme est venue d'Antonin Guigonnet qui a tiré à 13 sur 20 et quand on sait que c'est une minute de pénalité par balle manquée, eh bien ça fait cher, il termine à la 78e place. Autre méforme hier, celle de Johannes Bö qui s'est classé dixième. Il perd donc ainsi le maillot jaune qui sera de retour sur les épaules de Martin Fourcade. Johannes Bö, Tarje Bö, le grand frère, était plus en forme. Il s'est classé sixième de cette course. Et notre autre Vosgien, Florent Claude, lui a terminé 25e. Aujourd'hui, c'est l'individuel féminine. Espérons que nos Françaises vont s'inspirer de ce qui s'est passé hier. Célia Emonier sera la première Française à s'élancer avec le dossard 12, suivie avec le dossard 17 d'Anaïs Bescon. Un petit peu plus loin, dossard 35 pour Julia Simon. Juste après, Justine Brezaz s'élancera avec le dossard 36. Un petit peu plus loin, Caroline Colombo s'élancera avec le dossard 75. Et la dernière Française à s'élancer, Chloé Chevalier partira avec le dossard 95. Et la première à s'élancer sera Vitkova. Dorothée Vireur, elle, aura le dossard 11, le dossard 13 pour Kaïsa Makarenen, le dossard 32 pour Vitozzi et la dernière féminine à s'élancer aura le dossard 103 et ce sera sur les épaules de Belchenko. Un mot de handball féminin avec le mondial et la France qui s'est imposée hier face à l'Allemagne 27 à 25. Prochain match pour nos Bleus, ce sera vendredi à 12h30 contre le Danemark. Un mot de football maintenant avec les résultats de la Ligue 1. Notez que le match entre Amiens et Reims a été reporté à cause du brouillard. Dijon et Montpellier ont fait match nul, 2-2. Metz s'est incliné à domicile face à Rennes, 1-0. Saint-Etienne s'est imposé 4-1 face à Nice. Monaco s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Toulouse. Et hier soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 face à Nantes. Un petit point basket maintenant. On va de l'autre côté de l'Atlantique faire un point sur les résultats NBA. L'équipe de Charlotte de Nicolas Batum s'est imposé 106 à 91 face aux Golden State Warriors. 3 points pour Nicolas Batum. L'équipe d'Orlando, d'Evan Fournier, encore en forme cette nuit à 21 points, s'est imposée 128 à 114 face à l'équipe de Phoenix de Okobo qui lui était à 4 points. L'Utah Jazz de Rudy Gobert à 13 points et 10 rebonds s'est incliné face aux Lakers de Los Angeles 96 à 121. Et enfin l'équipe de Boston de Vincent Poirier s'est imposée 112 à 93 face aux Heat de Miami. 2 points pour le français. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive. On va donc tout de suite marquer la dernière pause avec Johnny Hallyday et l'envie. Qu'on me donne l'obscurité puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire, je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme